Hippolytène par Émile Faguet. Taine vient de nous quitter. Cette mort prématurée est une grande perte comme un grand deuil. Taine avait achevé son monument, l'histoire des origines de la France contemporaine, mais il se promettait d'amuser sa vieillesse, comme il disait, avec son étude sur Sainte-Beuve promise à la collection Hachette, et je crois commencée, et avec quelques petites distractions philosophiques dans le genre de son travail magistral sur l'intelligence. Nous pouvions espérer beaucoup, et attendre beaucoup encore de cet esprit souverainement lucide, et de cette méthode rigoureuse qui triplait les forces de cet esprit. Tout cela nous est enlevé brusquement. La mort est rude depuis quelque temps pour les hautes intelligences. Elle frappe coup sur coup Charest, Renan et Taine, comme si elle se hâtait de découronner le siècle avant qu'il finisse. Nous assistons, inquiets pour l'avenir intellectuel, à ces grands départs qui ne sont pas suffisamment compensés par les avènements. La France est une blessée qui devient veuve. Ce n'est qu'une raison de plus à ses fils de la chérir. Taine fut un savant. On est savant. Il était né tel. À 20 ans, il avait tous ses instruments en main, le latin, le grec, l'allemand, l'anglais et l'habitude de recueillir des faits. À 23 ans, il avait lu toute la bibliothèque historique et philosophique de l'école normale et une bonne partie de sa bibliothèque littéraire, et il avait épinglé sur fiche quelques milliers déjà de faits significatifs. Il continua. Il ne fit jamais autre chose que continuer. Seulement, pour se reconnaître au milieu des faits, il se fit un système. Un système est une méthode de travail. C'est une des tables des matières préalables. On l'adresse conformément aux faits que l'on a déjà recueillis, et les faits qu'on recueillera désormais devront s'y conformer. Aussi importe-t-il de ne pas l'adresser trop tôt. Taine adressait la sienne peut-être prématurément. Les faits qui la lui ont suggérés, quoique déjà très nombreux, l'étaient moins que ceux qui ont dû plus tard s'y ranger docilement. Conçu plus tard, le système eût été sans doute plus large. Il importe assez peu du reste, car si un système est une méthode de travail, il est aussi un effet de notre caractère, une simple application rationnelle de notre manière intime et personnelle de voir les choses, et dresser un peu plus tard, il est à peu près le même que dresser un peu plus tôt. Se systématisant à 35 ans, Taine eût été à peu près le même que se systématisant à 25. Il eût été un philosophe positiviste. Il l'était nettement, formellement, sincèrement et courageusement. C'était un positiviste pur, un positiviste sans mysticisme, ce qui est excessivement rare en France. Notre race est idéaliste, foncièrement, et beaucoup plus qu'elle ne le croit, parce qu'elle a de l'imagination, et beaucoup plus d'imagination aussi qu'elle ne le croit et qu'on ne le croit. Elle personnifie des abstractions avec bonheur. Quand elle devient positiviste, elle croit à la science comme une déesse protectrice, féconde et bienfaisante, qui fera des miracles pour elle. Où elle croit à l'humanité comme à une personne sacrée et divine, mère et puis fille du progrès, et ensuite à la fois fille et mère du progrès, et cela fait toute une mythologie. Et elle écrit « science », « humanité » et « progrès » avec des majuscules. Notre 19e siècle est plein de ces majuscules et de cette théologie. Voilà ce qu'on peut appeler le mysticisme positiviste. Taine était positiviste tout simplement. Il ne croyait qu'aux faits, et à quelques petites lois très humbles, auxquelles une patiente, méthodique, minutieuse, héréditaire et séculaire observation des faits pouvait conduire. Les hommes sont une fourmilière, et les grands mouvements du monde qui nous entourent sont des éléphants. Avec de bons télescopes, une connaissance vague des éléphants, et avec une observation intense, quelques indications sur les chemins ordinairement suivis par les éléphants et leur façon de marcher, voilà tout ce qui est permis aux plus intelligentes d'entre les fourmis. Ramasser des faits et en tirer quelques lois plus ou moins certaines et toutes relatives, proportionnées à la taille des citoyens des fourmilières, voilà le droit et voilà aussi le devoir du philosophe. Taine ne voyait rien et se refusait de rien voir au-delà. C'est qu'il n'était pas français, il était anglais. Sa race spirituelle était là, entre Stuart Mill et Spencer. Toutes ses sympathies éclairées, et qui nous ont été si utiles pour l'Angleterre, sont des analogies de caractère. Son histoire de la littérature anglaise, qui reste si grande, quoique écrite trop tôt ou trop vite, et surtout ses admirables notes sur l'Angleterre en font loi. L'amour du fait et le culte de la science, culte sans foi, sans la moindre croyance à l'infaillibilité de la science et à la puissance qu'elle aurait de régénérer et de diviniser l'homme, c'était toute la conscience intellectuelle d'Hippolyte Taine. Personne ne fut moins religieux. Il se serait, par conscience, interdit de l'être, comme une concession à l'imagination, au sentiment, à ce qui n'est pas prouvé, c'est-à-dire à des choses fort belles, et il l'a dit, mais qui ne sont pas du domaine de la pensée. L'homme ne doit dire que ce dont il est sûr. Il n'est sûr que du fait qu'il voit, et par une induction qui doit être très surveillée, de la loi constituée par la répétition mille fois répétée de plusieurs faits allant toujours ensemble. Voilà tout ce à quoi peut s'appliquer l'affirmation. Le reste est une admirable poésie. Ai-je besoin de dire que s'il n'affirmait rien sur le mystère, il ne se croyait obligé ni de le mépriser, ni de l'insulter. Il eût été stupéfait de l'objection que j'entendais faire dernièrement à un incroyant. « Puisque vous êtes un croyant, lui disait-on, pourquoi ne détestez-vous pas les religions ? C'est le comble de l'illogisme, à moins que ce ne soit celui de l'hypocrisie. » Il lui répondu, « Je ne comprends pas. Parce que je suis un croyant, je dois être hostile. La conséquence est singulière. Je ne crois pas, voilà tout. » Ceux qui croient ont simplement une manière de diriger leur pensée, par sentiment et non par raisonnement, qui n'est pas la mienne. Je ne puis pas en vouloir à quelqu'un qui ne diffère de moi que par une manière autre d'arranger ses idées dans son cerveau. Il y aurait là un certain excès. Et en effet, le positivisme n'a l'horreur des religions que quand à son tour il en devient une. Ce n'est pas entre croyants et incroyants, c'est entre croyants qu'on se bat. Le positivisme sans mysticisme s'arrête au seuil du mystère, en se déclarant simplement incapable d'y pénétrer. Et ce n'est ni de l'hostilité ni de l'indifférence, c'est de l'abstention. Et si ce n'était pas de l'abstention pure et simple, ce serait plutôt du respect que de l'horreur. C'est dans ses limites que Taine s'est énergiquement maintenu. Comme moraliste, Taine, ce qui n'est pas une suite nécessaire du positivisme, mais ce qui était le résultat de ses observations positives personnelles, était ce qu'on appelle couramment un pessimiste, c'est-à-dire un homme qui croyait l'homme mauvais et à peu près incapable de bien. L'homme était toujours pour lui le gorille féroce et lubrique des temps primitifs, ou du moins, il en gardait toujours quelque chose, et en garderait toujours peu ou prou. Cette vue est désolante, mais je ferai remarquer à l'humanité que c'est à elle d'en dissuader les philosophes. À la vérité, il la poussait loin. C'est la rectitude de son esprit logique qui le conduisait à ses conclusions rigoureuses. L'humanité, à mon très humble avis, n'est point très féroce, ni même très lubrique. Mais elle est essentiellement absurde. Elle raisonne pitoyablement. Un raisonnement juste est la chose la plus rare et la plus surprenante qui soit au monde. Il finit par avoir raison, je le sais bien, et c'est pour cela que le monde, sans progresser positivement, du moins se soutient. Mais il est rare infiniment. Il ne se produit qu'à de très longs intervalles, comme les éclipses. C'est, si l'on veut, les éclipses de l'absurdité humaine. Et voilà, je crois, ce qui explique le pessimisme, c'est-à-dire la misanthropie de Taine. Cet homme qu'il coudoyait, et qui raisonne si mal, blessait tellement son esprit logique, son raisonnement toujours serré et précis, qu'il le trouvait haïssable, qu'il le prenait pour une espèce de monstre étrange, de calibre inquiétant, et de là, à le traiter de gorille, on voit très bien la pente inévitable, encore que je crois qu'il eût fallu l'éviter. Il ne voyait guère, comme conseil à donner à cet animal bizarre, que celui de travailler beaucoup et de se ménager quelques instants de repos, assez pour la contemplation, pas assez pour le rêve, qui est dangereux. « Lève-toi de bonne heure, » je cite mal, citant de mémoire, mais c'est bien le sens. « Fais ta chasse promptement. La proie atteinte, ne t'obstine pas. Pourquoi te charger plus que de raison et priver de sa part possible un pauvre diable? Alors assieds-toi. Le soir tombe. C'est très beau. Le brouillard laiteux s'élève lentement en tournoyant autour des saules. Là-bas, les sapins se dressent comme des encensoirs sur le tapis des bruyères rousses. Reste là un moment. Tu auras eu le seul plaisir vrai réservé à ton espèce, la contemplation, et pendant un quart d'heure, tu n'auras pas été tout à fait une brute, ce qui est le plus haut degré où l'homme puisse atteindre. Le travail pour manger, l'observation et la science pour se garantir, l'esthétique pour jouir de la seule jouissance qui est un caractère humain et qui nous sépare décidément des animaux, c'était la conception de la vie selon Taine. Au-delà commençait la métaphysique qu'il ne méprisait point, que comme jeu noble et précisément forme supérieure de l'esthétique, il admettait même. Et de bons métaphysiciens, il a tracé des portraits charmants, mais dont il se défiait, comme dépassant les forces humaines, passionnant outre mesure, menant les hommes à se battre pour des idées qu'ils ne comprennent pas, et par un détour singulier, ramenant aux violences, aux férocités et aux gorilles. Tout au moins, il se l'interdisait à lui. « Je ne connais pas les bornes de l'esprit humain, je vois celles du mien. » En politique, il fut aristocrate, comme il est naturel que le soit un bon pessimiste, un bon misanthrope et un bon anglais. Il croyait, de par Darwin, de par Spencer et de par lui, qu'à cause de l'hérédité, un peuple est un organisme, et par suite de la civilisation, un organisme très délicat et de plus en plus compliqué. Aux organismes très délicats et compliqués, qu'ils soient des machines ou des animaux ou des peuples, une loi s'impose, qui est celle de la division du travail. L'animal très inférieur n'a qu'un organe pour digérer, pour penser et pour se divertir. L'animal supérieur a beaucoup de facilité et autant d'organes que de facultés sans quoi il ne vivrait pas. La division du travail dans les sociétés s'appelle la spécialité ou la compétence. Donc, plus un peuple est grand et plus il est complexe, et plus il est fait de rouages multiples, plus chaque rouage doit savoir ce qu'il fait et ne faire que cela. En d'autres termes, plus la compétence à chaque genre de travail doit être rigoureusement exigée. Dans un tel peuple, donner par exemple des lois à faire à celui qui ne sait faire que des souliers est imprudent. C'est dire à un animal supérieur de digérer avec son cerveau. La démocratie, consistant précisément à donner des lois à faire, ou du moins des législateurs à ceux qui ne savent faire que des souliers, et à remplacer les rouages multiples par un rouage unique, ou tout au moins à placer les rouages multiples en une telle dépendance du rouage universel qu'il s'y absorbe, et que lui devient unique, n'était donc pour Taine qu'un simple contresens. Il le disait naïvement comme il disait tout. Il a fait un grand livre, très discuté, mais à qui personne ne refuse d'être grand, Les origines de la France contemporaine, pour démontrer cela. Il s'est complètement résumé dans cette grande œuvre. On y trouve d'abord ce que je viens de dire, et puis ensuite son horreur de tout ce qui n'est pas raisonné, c'est à savoir du despotisme et de l'anarchie, qui au point de vue du philosophe sont même chose, c'est-à-dire impulsivité d'un cerveau unique qui ne sait pas accepter de loi parce qu'il ne connaît pas la raison, ou impulsivité d'un cerveau collectif mené il ne sait où par l'âme instinctive et démente des foules. On y trouve encore, et cela est moins philosophique peut-être, un certain goût de vérifier son pessimisme, sa misanthropie et ses vues sur le gorille. S'il a été droit à l'époque révolutionnaire, c'est parce qu'il savait que dans les époques de troubles, le prétendu carnassier primitif, très recouvert dans les époques paisibles, se découvre et se retrouve et se prouve. Cette preuve, on peut estimer que Taine l'a cherchée un peu complaisamment et étalée avec un peu trop de satisfaction. Je dis satisfaction plutôt que colère. Quand il s'espaçait de tout son cœur sur les scènes révolutionnaires, on disait « Est-il heureux ? Et quelle joie mauvaise ! Quelle joie de sectaire il éprouve à nous montrer toutes ces horreurs !» Ce n'était pas cela. Lui, le logicien, c'était un plaisir de démonstrateur qu'il éprouvait. Il ne nous disait pas « Ah, les brigands !» mais « Eh bien, j'ai toujours soutenu qu'il était gorille. » « Est-il gorille, oui ou non ? J'apporte des faits. Vous voyez bien qu'il est gorille. » Il est bien vrai que si cette complaisance n'était pas de la colère, il faut confesser qu'elle y ressemblait, et que cela ôtait un peu d'autorité à cet ouvrage supérieur. Taine a parlé de la Révolution, non en homme de parti, mais de manière à satisfaire ou à exaspérer les hommes de parti. C'est encore un tort. La Révolution n'est ni une époque sacrée, ni une époque exécrable. C'est tout simplement une époque comme une autre, et il faudra bien qu'on en vienne à en parler comme d'une époque comme une autre. Il convenait à un philosophe comme Taine d'y chercher, en remontant du reste beaucoup plus haut, ce que d'ailleurs il a fait, les origines de la France actuelle. Mais pour ce qui est des faits et des hommes, d'en parler avec une parfaite tranquillité, un peu hautaine, il y fallait beaucoup moins de haine, vraie ou apparente, et un peu plus de mépris. Encore est-il que, sans compter l'immense valeur historique de l'ouvrage, il a rendu un service général. Là aussi, Taine a mis en garde contre le mysticisme. Il existait, depuis 1825 environ, en France, une manière de mysticisme révolutionnaire dont les étrangers ne laissaient pas de sourire un peu. Cette époque était un sanctuaire. Il fallait l'adorer en bloc. On était mauvais français de ne pas changer de timbre de voix quand on arrivait à parler des colosses de notre grande révolution, et là aussi il y avait des majuscules. Il était bon qu'un homme, évidemment désintéressé, qui n'était engagé dans aucun parti, qui, plutôt comme un croyant, semblait engagé dans le parti avancé, qui était déjà de l'Académie française et qui par conséquent n'était pas suspect de se donner certaines opinions pour y entrer, connu d'ailleurs pour sa sincérité, sa loyauté, sa liberté d'esprit, absolument étranger aussi à toute ambition politique, rompit le charme et parla de la révolution sans ménagement comme on doit parler de toute chose. Reste qu'on en parle non seulement sans ménagement, mais avec tranquillité, comme la science doit toujours parler. En tant que critique, je suis si éloigné des idées de M. Taine et de sa méthode que je crains d'en parler avec impertinence. Il me semble que c'est ici que la logique du système de cet homme systématique est en défaut. Cet aristocrate a donné de l'art et de la littérature la définition la plus démocratique qui se puisse. Séduit par je ne sais quelle théorie fumeuse de Stendhal, et resté dans Stendhal à l'état de fumée, plus encore, ce qu'on a vu certainement, mais non assez dit, par les idées de cet autre systématique qui était Nisard, Taine a vu dans la littérature l'expression mathématique de la société, de la race, du milieu, et il n'y a pas voulu voir autre chose, et a cru classer les auteurs selon qu'ils étaient les expressions plus ou moins adéquates, en effet, de toutes ces choses. Autrement dit, ce sont les illettrés qui font les grands livres beaucoup plus que ce ne sont leurs auteurs, et Corneille exprime beaucoup plus la pensée de ses bons voisins que la sienne propre. Creusez un instant, et vous verrez que je n'exagère point tant. Si la théorie est vraie, la classification des auteurs devrait être bien remaniée. Il n'est pas probable que ce soit chez Taine ou Renan qu'il faille chercher la pensée du peuple français, ou un renseignement historique sur l'état d'âme du peuple français en 1890, mais bien dans le Petit Journal. Les écrivains, très honorables d'ailleurs du Petit Journal, sont donc pour l'historien les expressions précieuses, les plus précieuses, de l'état intellectuel de la France moderne, et si la théorie est juste, ils sont les vrais auteurs français du XIXe siècle dignes d'être étudiés. Si un auteur n'est qu'un bon renseignement historique, s'il ne vaut que tant que signe exact de l'esprit du temps où il vit, c'est pourtant là qu'il en faut venir. Heureusement, Taine ne suivait pas logiquement sa méthode en ce point. Il la prenait comme à rebours. Il prenait d'abord les auteurs illustres, et qui étaient illustres tout simplement parce qu'ils avaient eu du génie. Il les étudiait de très près, et puis après coup, il reconstituait, d'après eux, l'esprit de leur temps, et avait peu de peine à montrer enfin que de cet esprit, ils étaient les représentants, les signes, les expressions et les résultats et les effets merveilleusement exacts. Très heureuse faute, inévitable d'ailleurs, car sur un temps surtout éloigné, c'est la littérature qui nous fournit les renseignements les plus nombreux, et on n'en peut guère faire abstraction d'abord pour ensuite y revenir. Mais très heureuse faute. Il se faisait ainsi premièrement de son auteur une idée juste, et ensuite il y accommodait plus ou moins bien l'esprit du temps. C'était très probablement l'esprit du temps qui en souffrait quelquefois, et de fait, pour avoir pris la haute littérature du XVIIe siècle comme expression de l'état des mœurs françaises au XVIIe siècle, il s'est fait de l'état social au XVIIe siècle une idée assez étrange. Il est arrivé ainsi que le critique, qui ne voulait être qu'historien, a fait de mauvaises pages d'histoire parce qu'il restait bon critique. Mais les bonnes pages de critique restent, et il y en a des centaines qui sont admirables. Ce très grand esprit, quelquefois faussé par la rigueur de sa logique aux choses où il fallait de la souplesse à la Sainte-Beuve, a eu une très grande influence sur les esprits de la classe lettrée en France, plus grande que celle de Renan, qui était d'assimilation plus difficile, qui était plus lentement pénétrable. C'est surtout à cause de Ten qu'à peu près tous les hommes de 30 à 50 ans en France sont positivistes. L'influence de Darwin et de Spencer n'est venue en France qu'après celle de Ten et la confirmant. La génération nouvelle s'écarte de cette direction et cherche ou à croire ou à créer une nouvelle métaphysique, en tout cas à rouvrir la porte du suprasensible. Il ne l'en aurait pas détourné. Il aimait l'effort, il aimait même l'audace. Il aurait dit, il a dû dire, essayez. Son abstention en cette affaire n'était pas découragement, c'était courage. Il mettait le sien, très beau, à dire, nous ne saurons jamais rien de cela. Il est très douloureux à l'homme, très douloureux, je le sais parfaitement, de n'en rien savoir, sachant supporter cette douleur. Personne n'a pratiqué plus énergiquement que lui la parole d'une religion à laquelle il ne croyait pas. Ama Neskire. Son influence sur la foule fut nulle. Personne n'a eu moins de popularité. Si l'on avait plébiscité son élection à l'Académie, il aurait eu 10 000 voix contre 5 000 000 accordées je ne dirais pas à qui. Il a eu cette haute récompense, la plus belle qui puisse échoir à un homme de lettres, d'avoir la gloire européenne, d'être plus lu et plus célèbre à l'étranger que dans son pays, c'est-à-dire d'avoir dans chaque pays d'Europe, y compris le sien, un nombre proportionnellement égal de lecteurs. Lui seul et Renan, dans cette seconde moitié du siècle, ont eu ce prix. Il n'est plus. Depuis 5 mois, il n'avait pas d'égal. Il n'a pas de successeur. Il faudra attendre quelques trentaines d'années sans doute pour lui en trouver un. C'était un homme très simple, très uni, très doux. Je n'ai pas besoin de dire modeste, puisqu'il était supérieur, ayant pour vertu maîtresse, comme il aurait dit, la probité, mais à un si haut degré qu'elle semblait remplir tout son être. On sait qu'il suffit d'une vertu quand elle est poussée jusqu'à la passion pour faire toute une âme vertueuse. Il en avait d'autres. Il avait celle-là dans son cœur, dans son esprit, dans son travail, dans sa parole. Il en était comme pénétré et comme revêtu. C'était une âme correcte. Mon cher maître, moi qui, de plus, sais que vous étiez bon, et encourageant jusqu'à donner de la confusion, je vous ai perdu, j'ai le remords, de ne vous avoir pas assez fréquenté. Je ne vous ai pas assez vu, et voilà que je ne vous verrai plus. Sachez bien que ce sont les hommes comme vous qui ont donné à l'humanité l'idée sublime et tendre de ce séjour des éternels commerces auxquels vous ne croyiez point. Émile Faguet.